Quatrième fragment sonore, échanges verbaux à la terrasse d'un café bordant le Grand Boulevard. Ça va, oui. Il est sorti, ça va. Je vais aller te faire le tour, je vais te faire le tour. Je vais te faire le tour.